Est-ce qu'on a décidé si c'est un rayon gamma ou un rayon theta? Rayon theta. Rayon theta. Rayon theta. Ok. Oh my god. Déguisé par les rayons theta. Déguisé par les rayons theta. C'est comme l'univers reconstruit dans un angle diagonal. Thank you. Thank you.